when we think of ourselves, we should be happy with our life. We cannot meet the teachings of the Buddha all the time. Now the Buddha already appeared 2,500 years. Even though he passed away or went to pre-nirvana, his teachings still remain in the world. Nous devrions nous réjouir de la vie que nous avons actuellement. Il n'est pas toujours possible d'entrer en contact avec l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha est mort il y a 2500 ans, mais son Dhamma est encore toujours là. Et si son Dhamma, son enseignement est encore là, c'est grâce à la Sangha des Bhikkhus. La Sangha des Bhikkhus a transmis de génération en génération l'enseignement du Bouddha. C'est la lignée de Kassapa, un des grands disciples du Bouddha. Cette lignée s'est perpétuée jusqu'à nos jours et elle a transmis le bouddhisme Theravada, l'enseignement d'origine du Bouddha. C'est pour cette raison qu'actuellement, nous pouvons encore avoir accès à cet enseignement. Avant d'entrer en Parinibbana, le Bouddha demanda à ses bhikkhus, à ses moines, de lui dire s'ils avaient quelques doutes à propos de son enseignement, à propos de son Dhamma. Comme vous le savez, le Bouddha a fait de très nombreux enseignements, il y a 84 000 groupes d'enseignements. Il demanda donc à ses bhikkhus de lui dire s'ils avaient quelques doutes ou des questions ou des reproches à faire à propos de son enseignement. Mais aucun bhikkhu ne répondit. Le Bouddha leur dit alors, « Bhikkhu, il y a des règles pour les bhikkhus et pour les bhikkhunis. Parmi ces règles, il y en a qui sont majeures. Si vous les rompez, vous n'êtes plus un bhikkhu. Même si vous portez la robe, vous n'êtes plus un bhikkhu. Il faut donc faire très attention et ne pas rompre ces règles majeures. Il y a également des règles mineures. Si vous transgressez les règles mineures, vous pouvez, par la confession, retrouver votre statut de moine dans sa pureté d'origine. Donc, il est possible de se laver des fautes mineures, mais les fautes majeures vous enlèvent le statut de moine. Mais les bhikkhus ne savaient pas quelles étaient les règles majeures et quelles étaient les règles mineures. C'est pourquoi ils n'en transgressaient aucune. Grâce à cela, l'enseignement du Bouddha s'est transmis de génération en génération et donc nous devons nous en réjouir car nous pouvons avoir accès à cet enseignement de nos jours. Comme vous le savez, lorsqu'il eut 29 ans, le futur Bouddha renonça au monde dans le but d'atteindre l'illumination parfaite, Sabbe Niyata Jnana. Il pratiqua la méditation pendant 6 ans dans la forêt. Il pratiqua les austérités, il n'avait plus que les os sur la peau. Personne n'avait fait autant d'efforts avant lui. Il voulait atteindre Sabbe Niyata Jnana, la connaissance parfaite, car s'il ne réussissait pas à l'obtenir, il aurait été incapable d'aider tous les êtres. Or, c'était son but. Il voulait atteindre l'illumination pour pouvoir venir en aide à tous les êtres. Son intention, c'était donc de devenir un Bouddha, de devenir parfaitement illuminé, pour aider tous les êtres. Il fallait qu'il commence par lui-même. Il pratiqua donc pendant 6 ans, à tel point que son apparence physique, qui était très élégante au départ, s'était complètement détériorée. Il n'avait plus que les os sur la peau. Comme vous le savez, il a continué sa pratique et il a finalement atteint l'illumination sous l'arbre de la Bodhi tôt le matin. Il se débarrassa ainsi de toutes ses asavas et devint un Bouddha. Il n'était plus un homme ordinaire. Il avait acquis la connaissance parfaite, Sabbe Nyota Jnana. Il se mit alors à enseigner à toutes sortes d'êtres sans relâche, sans prendre de repos. Il avait un programme journalier très chargé. Il travaillait l'avant-midi, l'après-midi, la première partie de la nuit. Pendant la deuxième partie de la nuit, il ne prenait que 2 heures de repos. Et pendant la troisième partie de la nuit, il se remettait à travailler. Il essayait donc de venir en aide à tous les êtres, à tous ceux qui en avaient besoin. Et même s'il ne savait pas qu'ils en avaient besoin, comme le matin tôt, cela faisait partie de sa routine quotidienne, il avait l'habitude de survoler de son œil divin l'univers pour voir qui aurait besoin de son aide, qui serait capable d'atteindre l'illumination. Quelle que soit la distance, il se rendait alors chez cette personne pour lui enseigner le Dhamma. Le Bouddha avait donc une grande compassion et un grand amour bienveillant. Les Bouddhas apparaissent à des périodes variées. Parfois, ils apparaissent à un moment où la durée de vie est extrêmement longue. Elle peut aller jusqu'à 10 000 ans. Les gens ne meurent donc pas à 100 ans, ils ne meurent pas à 200 ans, ils ne meurent pas à 300 ans, mais beaucoup plus tard. Ils restent en vie beaucoup plus longtemps. Si c'est le cas, le Bouddha qui apparaît à une telle époque ne va pas enseigner de façon très concentrée. Les gens n'ont pas tellement envie d'entendre parler de Anicca, Dukkha et Anatta, et dans ce type d'époque, les Bouddhas n'enseignent pas beaucoup. Mais si, comme le Bouddha, notre Bouddha, ce Bouddha apparaît à une époque où la durée de vie est beaucoup plus courte, de 100 ans, c'était le cas de notre Bouddha, il n'y a pas de temps à perdre. C'est pourquoi le Bouddha, notre Bouddha, a enseigné sans arrêt en utilisant au maximum le temps qu'il avait pour le faire. Si le Bouddha voyait de son œil divin que quelqu'un pourrait atteindre l'illumination, il se rendait chez lui où qu'il soit. Il ne tenait pas non plus compte de la classe à laquelle cette personne appartenait. Comme vous le savez, il y avait du temps du Bouddha des classes dans la société. Ces classes existent encore toujours à l'heure actuelle en Inde. La classe supérieure était la classe des brahmanes. Venait ensuite la classe des guerriers, puis la classe des fonctionnaires, des personnes riches, des hommes d'affaires, et enfin la classe des intouchables. Les brahmanes étaient persuadés qu'ils appartenaient à la classe supérieure parce qu'ils croyaient qu'ils étaient nés de la bouche de Brahma. Les guerriers croyaient qu'ils étaient, eux, nés de la poitrine de Brahma. Les personnes riches, les fonctionnaires, les hommes d'affaires seraient nés du genou de Brahma, et les intouchables étaient nés du pied de Brahma. Actuellement, on pourrait dire par exemple que la quatrième classe, la classe inférieure, ce sont les pauvres. La classe des personnes riches et fonctionnaires, etc., est la classe moyenne. Mais le Bouddha donc ne choisissait pas la classe à laquelle appartenait la personne qu'il allait rencontrer. Il n'en tenait pas compte. La seule classe qui existait pour lui, c'était la classe des bhikkhus et des bhikkhunis. Dans cette classe, les jeunes doivent tout simplement respecter les plus âgés. Lorsque le Bouddha était invité à Kapilavatthu, au palais de son père, il y avait beaucoup de personnes qui appartenaient à son clan qui lui demandaient de pouvoir se faire ordonner moine. C'était par exemple le cas de son cousin Anuruddha. Il lui avait demandé la permission de se faire moine. Au même moment, l'intendant du prince, son coiffeur en fait, Upali, lui demanda également de pouvoir se faire moine. Les gens se demandèrent alors qui allait être ordonné en premier. Le Bouddha choisit d'ordonner en premier Upali, l'intendant, car alors il deviendrait l'aîné de Anuruddha. Et selon la règle du Bouddha, les jeunes doivent respecter les plus âgés. Donc, en fait, je me suis trompée, il allait ordonner, oui, Upali en premier et Anuruddha en deuxième lieu, pour que Anuruddha soit devenu le plus jeune et doive respecter Upali, qui en fait était l'intendant. Ceci illustre le fait que pour le Bouddha, les classes n'existaient pas. La seule classe, c'est la classe des bhikkhus et des bhikkhunis, et dans cette classe, le plus jeune doit respecter le plus âgé. Le Bouddha ne tenait donc pas compte de la classe à laquelle appartenaient les gens. Il enseignait à tous ceux qui étaient susceptibles d'atteindre l'illumination, quel qu'il soit. Il a même enseigné à une personne qui avait la lèpre, alors que personne ne voulait l'approcher. C'est de cette façon que le Bouddha faisait preuve d'une très grande compassion et d'un très grand metta, amour bienveillant. Dans les textes, il est mis que les Bouddhas apparaissent dans le monde pour le bénéfice de tous les êtres. Tous les êtres, cela veut dire les Brahmas, les Devas et les humains, tous confondus. Sont inclus dans tous les êtres les animaux également, comme les éléphants ou les dragons. Les Bouddhas apparaissent dans le monde pour le bonheur de tous les êtres. Les Bouddhas apparaissent dans le monde pour venir en aide à tous les êtres avec le Dhamma. Nous devrions donc nous réjouir d'être en vie et de pouvoir entrer en contact avec l'enseignement du Bouddha. Le Bouddha ne choisissait donc pas les personnes à qui il allait enseigner d'après la classe. Il choisissait uniquement d'après leur capacité à atteindre l'illumination. Un jour, qu'il parcourait le monde de son œil divin, il vit une jeune fille. Il savait que cette jeune fille avait les potentialités pour atteindre l'illumination, le premier stade d'illumination, sotapatti, le fruit du sotapanna. Une personne qui atteint ce premier stade d'illumination n'a plus aucun doute ni à propos du Bouddha, ni à propos du Dhamma, ni à propos de la noble Sangha. Lorsqu'on atteint ce premier stade d'illumination, on n'a plus non plus aucune vue fausse. Et ceci est dû à la pratique. Le fait de devenir un sotapanna n'est pas une question de nomination. Le Bouddha ne nomme pas les gens sotapanna après quelque temps de pratique. Le Bouddha montre simplement comment faire pour devenir un sotapanna. Il montre la voie. Ce matin-là donc, le Bouddha vit cette jeune fille lui apparaître alors qu'il survolait le monde de son œil divin. Il comprit, il vit que cette jeune fille pourrait atteindre l'illumination. Il se rendit donc dans la cité où cette jeune fille vivait. Cette cité était Aloïs City. À 11h, les dévots offrirent le repas au Bouddha. Après le repas, le Bouddha leur donna un enseignement. Au cours de cet enseignement, il leur rappela d'être attentifs au corps et à l'esprit. Il leur rappela également de pratiquer Maranānusati, la contemplation de la mort. Mais même si le Bouddha avait demandé aux bhikkhus d'être attentifs et de pratiquer la méditation sur la mort, ces bhikkhus ne réussissaient pas à le faire. Ils étaient souvent distraits et rêvassaient. Mais la jeune fille, elle, avait écouté attentivement l'enseignement du Bouddha et elle avait compris. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque le Bouddha enseignait aux bhikkhus, il commençait toujours par leur demander d'être très attentifs car il allait parler du Dhamma. Il savait que l'esprit est difficile à contrôler et que les bhikkhus étaient souvent pris par les pensées. Un yogi me dit un jour qu'il écoutait les enseignements que je donnais, mais qu'en fait, ces enseignements entraient par une oreille et sortaient par l'autre oreille. Qu'en est-il de vous? Ce n'est pas facile de faire des enseignements, de vous présenter le Dhamma. Il faut que je consulte des livres, il faut que je trouve la façon de vous exposer tout cela, et j'ai souvent peur de me tromper. Cela prend beaucoup de temps de préparer l'enseignement. Donc, en retour, vous devriez écouter très attentivement et retenir ce que j'ai dit. Chaque année, je parle de cette jeune fille au cours de mes enseignements. Si vous avez peur de la mort, vous devez pratiquer la contemplation de la mort. En fait, Sayadaw Upandita a l'habitude, lorsqu'il guide une retraite, de commencer par expliquer les quatre méditations protectrices. Ces quatre méditations protectrices sont tout d'abord Buddha Nusati. C'est la contemplation des qualités du Bouddha. Nous pratiquons cela tous les matins, lorsque nous répétons les neuf qualités du Bouddha. La deuxième méditation protectrice, c'est Metta Bhavana. Nous pratiquons également Metta tous les matins. La troisième et la quatrième méditation protectrice, nous ne les pratiquons pas dans le cadre de cette retraite, mais en fait, on devrait le faire. La troisième, c'est Marana Nusati, la contemplation de la mort, et la quatrième, c'est Asubha Bhavana, la contemplation des parties du corps sous leur aspect repoussant. Ici, je voudrais parler de la pratique de la contemplation de la mort. Comment pratiquons-nous la contemplation sur la mort? Comment sommes-nous attentifs à la mort? Nous devons répéter les formules suivantes. Ma vie ne durera pas. Ma mort est certaine. Ma vie se terminera par la mort. La mort est inévitable. La vie est incertaine. La mort est certaine. Donc, ma vie ne durera pas. Ma vie ne durera pas. Ma mort est certaine. Ma mort est certaine. Ma vie se terminera par la mort. Ma vie se terminera par la mort. La mort est inévitable. La mort est inévitable. La vie est incertaine. La vie est incertaine. La mort est certaine. La mort est certaine. Un jour, j'ai accompagné mon professeur Sayadaw Upandita en Amérique pour une retraite de 2 mois. Tôt le matin, nous avions l'habitude de réciter Itipissu, la contemplation des qualités du Bouddha, et de pratiquer la contemplation de la mort. Mais les yogis hésitaient à me suivre, ils hésitaient à répéter les paroles. Il y avait notamment une femme d'une cinquantaine d'années que je connaissais très bien et qui se plaignait. Elle me disait « Mais Dieu a fait de si belles choses, pourquoi faut-il s'apesantir sur cet aspect ?» Mais je persévérais et je continuais à pratiquer cette méditation tous les matins. Après quelque temps, sa voix a commencé à devenir beaucoup plus forte au moment où nous récitions. Et finalement, elle appréciait cette pratique. Elle n'avait plus peur. Vous aussi, peut-être que pour le moment, vous n'aimez pas trop répéter ces paroles, mais il faut essayer d'être patient et dans quelque temps, vous verrez, vous apprécierez cette méditation. Le Bouddha enseignait donc la méditation sur la mort, la contemplation de la mort. Il demanda un jour à ses bhikkhus s'ils la pratiquaient. Les bhikkhus répondirent que oui, et le Bouddha leur demanda comment ils la pratiquaient. Le premier bhikkhu lui dit « Si je peux vivre ne fût-ce qu'un jour, c'est suffisant pour pratiquer la contemplation de la mort. » Le deuxième bhikkhu lui dit « Si je ne pouvais vivre ne fût-ce qu'une heure, ce serait suffisant pour pratiquer la contemplation de la mort. » Un troisième bhikkhu lui dit, « Si je ne devais vivre qu'un seul moment, ce serait encore suffisant pour pratiquer la contemplation de la mort. » Le Bouddha fit l'éloge du dernier bhikkhu. Nous devons donc, nous aussi, nous souvenir de cela et essayer d'avoir toujours présent à l'esprit la mort. Quels sont les bénéfices de la pratique de Marana Nusati? Si nous gardons en mémoire que la mort peut survenir à n'importe quel moment, nous ne ferons pas d'action négative. Si donc nous comprenons qu'à chaque instant nous pourrions mourir, nous allons essayer de garder toujours des intentions positives dans l'esprit. Nous comprenons que si nous mourons avec un esprit négatif, nous ne reprendrons pas naissance dans les bons plans, ni dans le plan humain, ni dans le plan des devas. Par contre, nous irons très probablement dans les plans inférieurs. Nous allons donc nous efforcer de toujours faire des actions positives, et comme par exemple Sila, Samadhi et Panya. Tant que nous serons en vie, nous essaierons de ne faire que des actions positives. Cela, c'est le bénéfice de la pratique de Maranānusati. Nous allons ensuite pratiquer la contemplation des parties du corps. En fait, il y a 32 parties à contempler. Mais si nous n'avons pas le temps, nous n'allons en contempler que 5. Nous devons comprendre qu'en tant qu'êtres humains, nous avons beaucoup d'attachement pour notre corps. Nous le soignons en prenant des médicaments, en mangeant correctement, nous choisissons de la nourriture bio si possible. Nous voulons que le corps soit en bonne santé. Nous buvons de l'eau minérale ou de l'eau purifiée. Nous sommes également attachés à des parties du corps. La pratique, donc, qui consiste à contempler les parties du corps, consiste à diriger son attention sur l'aspect repoussant de ces parties. Par exemple, nous allons nous contempler les cheveux, les poils, les ongles, les dents, la peau. Et chaque fois, nous allons diriger notre attention vers l'aspect répugnant de ces choses. Si vous pratiquez ainsi cette méditation et que votre attention est devenue très forte, il est possible que vous atteigniez l'illumination. C'était le cas du frère de Sariputta, Rewata. Ce Rewata était sur le point de se marier. Comme vous le savez, en Inde, les parents arrangent les mariages alors que les enfants sont encore très jeunes. Cet enfant avait donc 7 ans. Mais au moment, juste avant d'être marié, l'enfant s'enfuit et dans un monastère. Son professeur lui enseigna la méditation sur les 32 parties du corps en dirigeant son esprit vers l'aspect répugnant de ces 32 parties. Au moment où on le rasait, le jeune enfant, qui avait les paramis, atteint l'illumination. C'est pourquoi, lorsque les garçons ou les filles se font novices, deviennent des samaneras, au moment où ils sont rasés, ils doivent pratiquer la contemplation des 32 parties du corps. S'ils ont les paramis, il est facile pour eux d'atteindre l'illumination. Cette pratique est donc recommandée. Avant de pratiquer la méditation vipassana, vous pouvez donc consacrer quelques minutes à ces 4 méditations protectrices. Buddhanusati, la contemplation des qualités du Bouddha. Metta-bhavana, la méditation sur l'amour bienveillant, la contemplation de la mort, Maranānusati, et Guttasa-bhavana, la méditation sur les parties du corps, et plus particulièrement sur l'aspect répugnant de ces 32 parties. Si vous pratiquez ces 4 méditations protectrices, vous pourrez facilement développer la concentration et l'attention. Vous obtiendrez un certain niveau de calme. Nous avons, en ce qui nous concerne, pratiqué chaque jour Buddhanusati et Metta-bhavana. Mais si vous y ajoutez les 2 autres, voyez par vous-même quelle est la différence. Vous constaterez peut-être que votre esprit se calme encore plus. Donc Sayadaw nous recommande de pratiquer cette méditation et on peut répéter mentalement, chacun pour soi, et penser à ces choses, cheveux, poils, dents, ongles, peau, tout ça est dégoûtant. Et donc Sayadaw parle de l'histoire de Wokali, un moine qui aimait beaucoup contempler la personne du Bouddha parce que le Bouddha était très élégant et très beau physiquement. Le Bouddha lui dit un jour, « Wokali, pourquoi me regardes-tu constamment? Ce corps ne vaut rien, ce corps n'est que pourriture. Pratique plutôt la méditation. » So please, lead the madina, the donc, 3 parts of the body. Cheveux. Poils. Dents. Ongles. Peau. Tout cela est dégoûtant.